Le doge gracie finalement Shylock, mais Antonio exige de lui qu'il se fasse chrétien et que par testament, il lègue tous ses biens à sa fille, Jessica, et à son gendre, Lorenzo, qu'il a enlevé. Bassanio, pour remercier le brillant docteur en droit qui a fait fonction de juge, lui propose comme honoraire les 3000 ducats dus aux Juifs. Mais le prétendu docteur refuse et lui réclame par contre la bague qu'il porte. Après avoir refusé et laissé repartir le juge avec son clerc, Bassanio, sous la pression d'Antonio, se ravise et fait porter la bague au juge par Graciane. Quand Graciane a rejoint le juge et lui a remis la bague, le clerc, alias Nerissa, obtient également de Graciane la bague qu'elle lui avait offerte lors de leur mariage et qu'elle avait juré de toujours garder. Portia et Nerissa se dépêchent alors de revenir à Belmont avant leurs maris respectifs, Bassiano et Graciano, en compagnie d'Antonio. Lorsque ceux-ci arrivent en pleine nuit, Nerissa reproche à Graciano de ne plus avoir sa bague. Là encore, quatre personnages intervenant, je citerai leurs noms chaque fois qu'il le faudra.